En 35 ans de carrière, il a toujours suivi les règles. Toute ma vie, j'ai eu pour ambition d'être une personne honnête. Mais pour sa dernière nuit en service, sa vie entière va basculer. Dernière nuit à Milan. Après Le Traître, Pierre Francesco Favino revient dans un thriller haletant. Présenté au dernier festival de Berlin. Dernière nuit à Milan, le 7 juin au cinéma. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Nous croisons pas. À quoi on tranche? Déjà à l'amitié. Ouais, voilà, hein, tout à fait. Voilà. Ma grande copine depuis, ça fait combien de temps déjà? Qui en a 10, donc... 6 ans. Ouais. Ouais. Ouais. C'est bien déjà. Hein. Vous trinquez souvent ensemble? Oui. On essaie. On essaie d'avoir le temps. Voilà. C'est plus facile à gérer le matin quand on ne travaille pas toutes les deux pour se libérer du temps sans les enfants. Surtout que toi, tu travailles souvent le week-end, donc ouais. Voilà, les week-ends c'est... et samedi soir, tout ça, c'est, oui. C'est pas tout. C'est restreint. Et quand vous vous voyez, c'est pour faire quoi? Pour parler d'un petit peu de tout, de nos vies. Voilà, de ce qui s'est passé. De ce qui va, de ce qui va pas. De ce qui va pas, voilà. Et exactement. On vit notre sac toutes les deux. C'est je pense ça. Que, On se fait notre petite thérapie, en fait, toutes les ouais. deux. Et puis, on essaie de s'entraider, quoi. Enfin, s'il y a quelque chose qui va pas chez l'une, et on essaie de trouver la solution. Et puis. Et de rigoler, ça, on n'oublie pas. Ouais. C'est ouais, important. Ça, c'est cool. Le complexe rural. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Gaëlle Gillon. Troisième épisode, quand les mères de famille battent la campagne. C'est l'heure de l'apéro chez Thelma et Louise. C'est comme ça qu'on les appelle au village. Depuis qu'elles se sont rencontrées à l'heure des mamans, devant l'école de leur fils, elles ne se quittent plus. Du moins, pendant leur temps libre, donc rare. Le temps volé au quotidien logistique et chargé de mères de famille en pleine campagne. Comme la plupart des femmes du coin, elles travaillent au service des autres, que ce soit derrière un bar, dans le soin à la personne ou au foyer. Alors, pensez à elles, elles ont presque oublié ce que ça voulait dire. Mais de grappillage en grappillage, elles parviennent tout de même à mettre en place des stratégies de résistance quotidienne et politique. Tout comme Elodie, maman solo, qui s'autorise parfois une escapade au bord de Lyon quand son fils est à l'école pour admirer les familles de cygnes quand ils s'envolent. Je m'appelle Elodie, j'ai 39 ans, je vis à Villeneuve-sur-Lyon. J'ai été auxiliaire de vie pendant 15 ans à Villeneuve, à domicile. J'ai dû arrêter à cause de la maladie. Donc maintenant, je suis en invalidité. Et là, j'essaye de me trouver des occupations. Donc là, je suis VDI chez Captain Tortue, c'est du ventre, du linge, pour essayer d'arrondir déjà les fins de mois, qui sont très difficiles. Et puis, ça me fait voir un peu de monde et puis changer un petit peu tout. Comment vous êtes arrivée à Villeneuve? Parce que si vous avez grandi dans la Nièvre... Je suis arrivée à Villeneuve. Mes parents, ils ont vendu leur boulangerie. Moi, j'ai travaillé à l'usine dans la Nièvre. Et mon contrat s'est arrêté. Et moi, j'avais été dans l'usine pour être auxiliaire de vie, pour payer mes études. Et puis après, donc, j'ai dit, il n'y a plus rien qui m'attache dans la Nièvre. Donc, je vais les rejoindre à Villeneuve. Et j'ai trouvé tout de suite un emploi en maison de retraite sur Sens, en tant que veilleuse de nuit ou de jour. Et il y avait Luna de Villeneuve qui recherchait quelqu'un. Donc j'ai postulé, ils m'ont prise tout de suite. Et j'y ai travaillé pendant 15 ans. Et ça ressemble à quoi, là où vous avez grandi? C'est un petit bourg de 500 habitants. Donc on était un petit groupe de 5-6 filles et 3 garçons. Et on sortait dans les champs, parce que là-bas, c'était vraiment la race campagne. Donc on faisait des cabanes, des petites choses comme ça. On était connus de tout le monde. Tout le monde connaissait nos parents. Tout le monde savait qui on était, la fille d'un tel, le fils d'un tel. Et il n'y avait jamais de bêtises, il n'y avait jamais quoi que ce soit. On nous disait, tu rentres à telle heure, on rentrait à telle heure. Oui, c'est un côté rassurant, la vie à la campagne. Oui, très. On voit pas les choses qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire ? Toute la délinquance, les disparitions. On n'y pensait pas, tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, même moi, mon fils qui a 13 ans, aujourd'hui, moi j'ai la trouille de le voir partir en vélo, tout seul. On voit tellement de choses aujourd'hui que j'ai peur pour lui. Thelma, ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est l'organisation avec mes enfants, en fait. Trouver la solution, la bonne solution, et la solution aussi qui ne me coûte pas trop cher pour que ça vaille la peine d'aller au travail. Donc là, c'est demander aux grands-parents surtout, tu peux garder les enfants samedi quand je travaille, voilà. Parce qu'ici, il n'y a pas de système autre de garde. Ben, il y a le centre de loisirs, mais c'est à 10 km et c'est dans l'autre sens de là où je vais au travail. Donc ça ne m'arrange pas. Et puis ça a un certain coût aussi, quoi, c'est ça. Ça a commencé comment? Tu étais au collège? Je savais pas trop quoi faire, en fait. J'avais pas un niveau scolaire suffisamment élevé pour aller au lycée. Et voilà, je me suis dit quoi faire. Bon, pas restauration. Allez, allons-y. T'avais envie de quoi, au fond? Ça a toujours été la musique, hein, voilà, d'où l'éveil musical là, qui est en cours. Voilà, mais... Louise. Mais j'ai jamais été motivée là-dedans par mes parents ou par mon entourage. Donc... J'ai pas pensé en fait à faire quelque chose là-dedans plus tôt en fait. Mes parents ouvriers, hein, donc aide à domicile, chauffeur routier, voilà. Quand je parlais de ma passion pour la musique, voilà, c'est un loisir, ce n'est pas un métier. C'est la réponse qu'on me donnait. Voilà, donc j'ai mis ça dans un petit coin de ma tête. Voilà, j'ai refoulé ça, et là, à bientôt 40 ans, tac, ça va sortir, alors. C'est-à-dire ? D'où mon projet d'éveil musical avec les enfants dans le village. Enfin, tu faisais déjà de la musique, tu faisais du chant aussi. C'est bien plus tard, après, que j'ai découvert le conservatoire, mais en tant qu'adulte, quoi. Mais c'était vraiment... Pour moi, c'était pas à mon niveau, en fait. Comment ça ? Pour moi, je valais pas le conservatoire, en fait. Pour moi, c'était réservé à l'élite. Et puis, c'est quand même un certain budget aussi. On en revient toujours à l'argent, hein, c'est fou. Hein. Mmh. Et voilà, je suis pas sûre que mes parents auraient pu me payer ça. Voilà. Ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est d'aller à Pôle emploi. J'étais très gênée. Et Pôle emploi, ils sont vraiment à côté de leur plaque. Ils veulent vous faire travailler, mais vous ne pouvez pas. Donc ça, c'est compliqué. Et ils ont voulu me faire faire un stage, un genre de stage comme à l'école. Mais vous ne pouvez pas rester assise 4 heures sur une chaise. Pourquoi ? Parce que mon corps ne peut pas. Et vous vous levez toutes les 5 minutes. Et ça, les profs, ils comprennent pas ça. Quelqu'un qui se lève toutes les 5 minutes. Donc les profs vous disent, vous avez rien à faire là. Oui, mais Pôle emploi vous oblige à venir. Comment on fait? Et qu'ils ont tout de prouver de A par Z, que je ne peux pas porter plus de 3 kilos, que je ne peux pas m'asseoir plus de tant de temps, que je ne peux pas rester plus de tant de temps. Et qu'on me demande des tas de choses. Et ça, je trouve ça honteux et inadmissible. Et si vous le faites pas, ils vous suppriment votre aide. Comment on fait? Ça, c'est une humiliation pour oui, vous? Oui. C'est honteux ce qu'ils font. Pour les personnes en handicap, on va dire. Parce que moi, je suis embêtée tous les 1,5 mois, 2 mois à être convoquée. Que je connais des gens que ça fait des années qu'ils sont à Pôle emploi et ils ont aucune convocation, aucun problème, on leur demande de rien chercher. Mais moi, toutes les 5 minutes, il faut que je fasse quelque chose. Sinon, on me supprime mes droits. Clara Deville est sociologue. Elle travaille sur la difficulté d'accès aux droits sociaux pour les personnes vivant en milieu rural et leurs conséquences politiques. l'accès au droit repose plutôt sur l'accumulation d'expériences à l'État. Et on sait, la sociologie le montre depuis fort longtemps, que plus on appartient aux fractions dominées de l'espace social, plus les rencontres avec l'État sont malheureuses. On peut prendre l'exemple de la lutte contre la fraude. Qui c'est qui est l'objet des politiques de lutte contre la fraude ? Bah, les fractions dominées de l'espace social. Voilà. Enfin, y a plein d'exemples comme ça qui montrent que moins vous êtes doté en capitaux, plus vous avez de chance d'avoir des rencontres à l'État qui sont des rencontres heurtées, compliquées, qui vous laissent des traces plutôt amères. Du coup, c'est partant de cette position-là vis-à-vis de l'État que vous vous engagez dans un parcours d'accès au droit. Et comme, encore une fois, en milieu rural, il y a plus de classes populaires qu'en ville, en milieu rural, il y a aussi plus de chances de rencontrer des gens qui sont à distance de l'État et des droits. Et donc, partant de là, ils doivent demander le RSA, par exemple. Ils s'engagent dans un parcours d'accès au RSA. Maintenant, il n'y a plus la CAF à côté ou la MSA à côté. Donc, à cette distance à l'État, s'ajoute une distance physique au guichet. Et pourtant, ces distances-là, il faut les franchir, il faut bien aller en ville pour accéder à ces droits. Alors, vous les avez suivis ? Dans mes travaux de thèse, j'ai accompagné les personnes dans leur parcours d'accès au RSA, depuis le moment où elles n'ont pas leurs droits, où elles se posent la question d'accéder au RSA, jusqu'au moment où elles vont l'obtenir. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est des situations en fait où qui passent un peu sous les radars, qui sont pas vues, qui sont peu médiatisées, surtout peu pris en compte par l'action publique, parce qu'il s'agit de difficultés d'accès aux droits qui sont pour partie créées par les politiques publiques et notamment par les réformes de dématérialisation de l'accès aux droits. Donc les difficultés de ces personnes-là, on peut dire que c'est la conséquence de politiques de lutte contre le non-recours qui ont loupé leur cible. En tout cas, pour les personnes que j'ai rencontrées, donc pour les personnes qui sont des demandeurs ou des demandeuses de RSA, il y a cette idée-là que du coup, les difficultés d'accès au RSA vont se transformer en rancœur vis-à-vis d'un ensemble qui peut être qualifié comme étant l'État, mais qui en fait regroupe à la fois les administrations et les personnels politiques. Ce qui se produit, c'est que comme en vouloir à l'État, c'est quelque chose qui demande des compétences, des capacités, etc. Un mécanisme habituel, c'est de tourner sa colère en fait contre ceux qui sont juste en dessous de soi. Élodie. L'État nous impose à faire des restrictions sur tout. Sur toutes les taxes qu'il nous impose, nous, on est obligés de se restreindre sur tout. Ils nous mettent tellement des taxes sur tout que c'est nous qui trinquons, en fait. On peut plus faire de loisirs, par exemple. Avant, toutes les 3 semaines, moi, je pouvais aller chez la coiffeuse. Maintenant, j'y vais plus, j'y vais toutes les 6 semaines. On mange moins de viande, on cultive plus dans le jardin. On essaye de congeler au maximum les légumes qu'on a fait de cet été pour qu'on tienne tout l'hiver pour éviter d'en acheter. J'ai 1250 euros de rente d'invalidité. Donc j'ai un loyer de 650, j'ai 202 euros d'APL. Il vous reste combien alors ? Une fois que vous avez payé toutes les factures. Je suis à découvert. On mange sur le découvert. J'ai 300 euros de découvert tous les mois. Sinon, on ne peut pas manger. Il faut bien connaître ses prix au kilo. Ça, faut toujours faire attention à ses prix au kilo. Vous les connaissez, vous ? Toujours. Dites-moi. Sur quoi ? La farine ? Sur celle que je prends, c'est 2,90 le kilo à Leclerc. Le sucre ? 3,60. L'huile ? Elle a monté à 3,90. Et les vacances ? Il n'y en a pas. Yaël Anselem-Mingui est sociologue. Elle s'intéresse aux filles du coin qui grandissent et vivent en milieu rural. La grande ville reste une figure à la fois attractive parce que c'est un lieu dans lequel elles sont anonymes avec la force de l'anonymat, la force aussi de pouvoir typiquement faire ce qu'on veut, crier dans les rues, rigoler sans que tout le monde soit au courant, sans qu'on se fasse, si on se fait mal regarder, c'est pas grave, c'est drôle. C'est aussi un espace qui résonne avec l'imaginaire autour de la jeunesse actuelle, les magasins, le fait de pouvoir cocher les codes en fait. Pas forcément dans les consommations, parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter, que au moins les moyens de traîner dans les espaces de consommation. Donc traîner avec des copains, des copines, rigoler, boire un coup, même si c'est une canette sur les marches, mais c'est quand même vivre la ville. Mais cet espace de la ville, il est autant attirant que redouté, parce que quand les filles elles vont raconter la ville, il y a des figures qui sont repoussoires dans la ville, à l'image des bourgeoises, où elles vont se sentir tout le temps jugées sur leur manière de marcher, sur leur manière de parler, sur leur manière de se comporter en ville, sur leur manière d'être habillée, qui d'après elles vont les trahir à la fois sur leurs conditions sociales, mais aussi sur leur lieu d'habitation. Et elles vont dire, mais nous, direct, quand t'arrives, elles savent direct que tu viens de la campagne. Les bourgeoises. Voilà, les bourgeoises de la ville. Donc elles ont vraiment cette représentation-là, et donc qui leur fait peur et qui les ramène en fait à des conflits de classe. Louise. J'avais envie de partir. Dans une grande ville, Paris par exemple. Et donc j'ai trouvé ce travail, un magasin d'accessoires moto en fait. Voilà, ça s'est bien passé pendant quelques temps et puis voilà, ça a dégénéré. Disons que du jour au lendemain, mon patron m'a fait des avances. C'est des avances, bien sûr, que j'ai refusées, je précise. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça a pu être pareil au travail. Donc, c'était du harcèlement. Et comment t'as fait ? Eh bien, j'ai dû démissionner parce que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et puis, j'ai pas trouvé le moyen de me défendre, en fait. T'en as parlé autour de toi ? Eh non. Non, non, non. Parce que j'étais jeune et peut-être et que je savais pas trop comment me défendre. J'avais peur peut-être de ne pas être prise au sérieux en fait. Jeune comme ça, on est loin de ses parents. Donc personne à qui se confier, à qui vraiment en parler. Compliqué quoi. Et puis moi, j'ai eu la folie dépensière aussi. J'avoue que tous ces commerces, toutes ces tentations autour de moi, peut-être aussi pour noyer le mal que je vivais au boulot et chez moi. Ça a provoqué des orgies de dépenses dans les magasins. Moi, je suis passée par là et j'étais pas en ville. Hein. Non, mais enfin, en ville, c'est... Enfin, oui, plus quand, de tentations. Quand j'ai eu mon permis, j'ai fait la même chose. Hein. Oui, c'est des heures de jeunesse aussi. Oui, c'est ça. Mmh. Je crois qu'on est frustré quand on a notre première paye, notre deuxième paye. On se dit, ouais, c'est bon, je peux faire ci, je peux faire ça. Puis on se rend pas forcément compte aussi. Et peut-être que c'est dû au fait qu'on a vécu à la campagne et qu'on n'avait pas accès à tout ça aussi. Oui, pareil. Le plaisir de pouvoir faire... J'ai jamais eu non plus, quand j'étais jeune, mais avec mes parents, on n'était pas allés faire les boutiques ou tiens, on va aller faire les boutiques parce qu'il te faut des vêtements ou quoi que ce soit. Non, j'ai jamais fait ça. Donc je crois que... Quand j'y ai eu accès moi-même et que j'avais mon argent, j'ai fait ça parce que je ne pouvais pas le faire avant, quoi. L'essentiel des emplois sont trouvés par le réseau. C'est par l'entre-soi, c'est par l'interconnaissance que les filles vont accéder aux premiers emplois. Le fait de passer par quelqu'un pour avoir du travail, ça rend déjà d'une part... dépendant de cette personne-là, on lui doit quelque chose, au moins de le remercier, de la remercier. On doit aussi honorer ce travail et donc être à la hauteur du fait que cette personne-là ait pensé à nous. Donc ça va pas être dénué de rapport de pouvoir derrière. Et typiquement, dans un contexte de pénurie d'emploi pour les jeunes et pour les femmes en particulier, la concurrence, elle est rude entre les jeunes pour accéder à ces emplois-là. Et le fait d'être passé par quelqu'un pour avoir l'emploi, ça va plutôt freiner toute la dénonciation de violence dans le contexte professionnel, avec le risque à la fois de perdre son emploi à soi, et donc après d'être inemployable, inembauchable sur l'ensemble de sa carrière finalement. Et ça laisse craindre aussi qu'il y ait des conséquences sur la carrière de la personne avec laquelle, par laquelle on est arrivé dans l'emploi. Donc il y a tous les métiers d'aide à la personne qui vont être concernés, mais tous les métiers finalement du secteur tertiaire dans lesquels elles vont se retrouver, mais aussi les préparatrices de commandes ou les filles qui bossent en usine, qui vont décrire finalement des situations similaires, parce qu'elles sont, pour une grande partie d'entre elles, dans des missions d'intérim, dans des contrats précaires, qui vont les exposer en fait en permanence à devoir honorer leur contrat pour en avoir un suivant. Les contrats étant relativement au lance-pierre, donc du temps partiel subi, des horaires fractionnés et des contrats précaires, qui vont les exposer à plus de vulnérabilité dans le milieu professionnel. Et Louise, cette expérience, c'est allée jusqu'où ? Cette folie dépensière, comme tu dis. Alors, jusqu'à un gros découvert, où ton banquier t'appelle et te dit « Là, madame, faut arrêter les conneries. » Je suis rentrée, chez mes parents. Voilà, on remet sa petite fierté de côté, et puis voilà. Et t'as dit adieu à la ville, quoi. Et j'ai dit adieu à la ville, ouais. Parce que tout ce qui m'est arrivé dans cette expérience parisienne, voilà, il n'y a pas eu de bon, en fait. J'ai eu que des mauvaises expériences, donc ça m'a peut-être un petit peu dégoûtée. Et puis après, j'ai grandi, et je me suis rendu compte qu'en fait, il me fallait la nature. C'est... voilà. Et cette expérience est venue nourrir comme une phobie un peu de la ville ? Ouais, j'ai fait un traumatisme parisien. Après le lycée, j'ai commencé à être à l'usine. Je faisais les biscottes en intérim, hein. Le lendemain de mes 18 ans, chez Jacquet. Élodie. Mes parents, ils ont dit... Tu veux pas aller à l'école, tu veux rien faire, tu vas à l'usine. Hein. Là-bas, il y avait biscottes et pain de mie, et là-bas, il n'y a que ça. Hein. Après, j'ai fait plusieurs maisons de retraite sur Sens, des CDD qui ont débouché sur rien. Hein. CDD sur CDD, et en discutant avec plusieurs femmes sur Villeneuve, j'ai réussi à rentrer à l'UNA. L'UNA, c'est les aides à domicile de Villeneuve-sur-Lyonne pendant 15 ans. Pour les femmes en milieu rural, il y a beaucoup de... Il y a le choix au niveau professionnel ? C'est soit les aides à domicile, par ici. Il y a l'EHPAD aussi. Il y a les aides-soignantes à domicile aussi qui font. Et je vois que ça. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez choisi ce métier d'auxiliaire de vie ? J'ai toujours aimé m'occuper des autres, en fait. J'aime les gens, j'aime les rendre heureux, j'aime les rendre bien. J'aime qu'ils soient satisfaits quand je fais la toilette d'une personne. J'aime qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent frais, qu'ils se sentent bons. J'ai toujours aimé aider les autres. Les gens sont toujours passés avant moi, en fait. Et j'aime rendre service à une copine ou n'importe quoi. Ça me fait plaisir de faire plaisir, en fait. Je sais pas penser à moi. J'y arrive pas. Est-ce que vous avez du temps pour vous ? Non. Enfin, je m'en accorde pas, on va dire. C'est plutôt comme ça. Je m'en accorde pas. Et pourquoi ? J'estime que j'en ai pas besoin. Si je peux le faire pour quelqu'un d'autre, autant que ça en profite à quelqu'un d'autre. Donc votre métier, à la fois, vous l'adoriez, mais à la fois, il vous épuisait. Oui. La charge mentale, c'est surtout les maladies des gens, les pathologies, tout ce qui est maladie, Alzheimer, Parkinson, c'est très lourd, c'est très lourd moralement à répéter toujours les mêmes choses, à faire les mêmes gestes, tout le temps répétitifs. Les bêtises, entre guillemets, que les gens peuvent faire et refaire et refaire. Et nous, on repasse toujours derrière à refaire et redéfaire. Une qui s'était mise à boire aussi. qui cachait les bouteilles de vin, qui pouvait plus se voir dans les miroirs. Donc quand elle se voyait dans un miroir, elle devenait agressive parce qu'elle pensait qu'il y avait quelqu'un. Donc elle se mettait à frapper le miroir, donc elle pouvait se blesser. Donc ça allait très loin parfois. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour la soulager, pour... Mais je me sentais impuissante. Ça rend malheureuse parce que c'était pas la seule, j'en avais plusieurs. Et c'est terrible de voir ça. Donc ça vous stressait ? Oui, beaucoup. Ça me fatiguait beaucoup, j'avais beaucoup de névralgie, j'étais souvent coincée au niveau du dos, j'avais beaucoup de problèmes au cervical. Et c'est là qu'on a fait des examens pour cette maladie et que là on a vu que c'était vraiment la fibromyalgie plus des autres à côté que j'ai. Thelma, j'ai été aide à domicile en fait dans des associations. Donc j'en ai fait plusieurs qui étaient assez éloignées de chez moi. Beaucoup de routes pour aller au travail et beaucoup de routes au travail en fait. Parce que du coup on se déplace de chez chaque personne, quoi, enfin d'une personne à l'autre, on fait le trajet. Il y a beaucoup de temps creux où quand ben du coup on est loin de la maison, on va pas rentrer. Hein. Voilà. S'il y a un problème de santé qui vient ou tu te sens coupable de ce qui se passe, c'est pas forcément de ta faute. Parce que, ben, en fait, moi, c'est pareil. J'ai fait un BEP service aux personnes, mais je ne suis pas infirmière, quoi. Donc, je faisais des soins, je faisais des toilettes, des choses comme ça. Mais je n'étais pas non plus spécialement sûre de moi, quoi. À domicile, c'est vrai que toi, tu te sens seule. Ouais. Donc, j'ai fini par arrêter ça. Sinon, j'ai travaillé en usine, j'ai fait des choses... comme tout le monde quand il faut se nourrir, quoi. Voilà. Et j'ai eu des enfants. Et toi, Louise, quel boulot tu as fait en fait en rentrant de région parisienne ? Alors, comme Thelma, j'ai fait un petit peu d'usine. J'ai trouvé un poste en maison de retraite en tant qu'ASH. ASH a tendance à être soignante, hein, c'est-à-dire que tu es embauchée pour faire du ménage, mais en fait, tu fais tous les soins à côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? En soi, c'est pas travailler avec les personnes qui est compliqué. Moi, j'apprécie de... Ah oui, moi aussi, beaucoup. Beaucoup, moi, le côté social, le côté humain, ça m'a beaucoup plu. Mais c'était un petit peu le côté usine en maison de retraite que je n'ai pas du tout apprécié. Le rythme qu'on nous impose, voilà, fait que moi j'avais l'impression, voilà, de, comme je l'ai dit à mon ancien employeur, de travailler dans une usine à viande. Et moi, j'étais pas là pour ça. Et alors ? Et alors, j'ai démissionné. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée dans une station de lavage, rien à voir. Où je m'en kikinais toute la journée. Là, j'avais aussi une relation avec les gens, mais beaucoup plus désagréable. Relation commerce. Voilà. La machine m'a avalé 1 euro. C'est un scandale. Tu vas me rendre ma pièce. Ah, voilà. Et, voilà, des agressions pour 1 euro. J'y suis restée un petit moment. Mais n'empêche, dans le village, un jour, sur le panneau d'affichage, je vois qu'ils cherchent une cantinière, voilà, pour faire à manger pour les enfants. Et donc, voilà, j'avais envie d'essayer ça. Avec les personnes âgées, on parlait beaucoup, parce qu'à chaque fois que j'y allais l'après-midi, ils regardaient tous où sont les députés. L'Assemblée nationale. Donc ils discutent de tous de ça, les lois qu'ils vont voter, ils ont tous quelque chose à dire, ça oui. Je prenais plaisir en discuter avec eux et ça m'a donné le goût à la politique. À cette époque-là, c'est vrai qu'ils dormaient tous dans l'hémicycle, pas comme aujourd'hui. Et les projets de loi, c'est vrai que parfois c'était pas génial, hein. Mais bon. On ne parlait pas des problèmes qui se passent comme aujourd'hui. les problèmes du pouvoir d'achat, de la violence, rien que de la violence faite aux femmes. Tout ça, on n'en parlait pas. De la drogue, des choses comme ça. Vous avez déjà vu dans l'hémicycle parler de nos campagnes ? Personne ? On n'existe pas. Là, il n'y a que Paris qui existe. Il n'y a que les grandes agglomérations. Paris, Marseille, Toulouse. Il n'y a qu'eux qui existent. Nous, on est les oubliés. On est là pour donner à manger parce qu'on a nos agriculteurs, nos cultivateurs. On est bon qu'à ça. C'est tout. Il n'y en a pas un dans l'hémicycle qui parle de nous. À part aujourd'hui. Parce qu'il y a M. Oudoul. C'est le député RN de Lyon qui lève la main pour parler de nous. Des agriculteurs, de Sens, de Lyon. Mais sinon, il n'y en a pas un. Comme là, vous en voyez un du groupe le Renaissance, du groupe Mélenchon, du groupe Les Républicains, Macron qui va voir les artisans, les boulangers, les voir pour les soutenir, il n'y en a pas un. On les voit juste pour les élections, pour donner les prospectus. Et c'est tout, après on ne les voit plus. Mais là, le RN, on les voit partout, on les voit sur les marchés. On les voit faire les vide-greniers, toutes les petites manifestations. On les voit partout, pour voir comment les gens y vont. Mais les autres, on les voit jamais. Il n'y a qu'eux qui sont dans les rues. Ils parlent avec les gens. Ils ne restent pas plantés dans un bureau à Bercy ou je ne sais où. Ils voient la réalité quand ils parlent avec les gens. Donc là, j'ai commencé à voter RN. Et depuis tout le temps, après, j'ai voté RN. Et aujourd'hui, je suis militante. Jean-Vincent Olyndre est politologue. Il observe la vie politique iconaise depuis qu'il s'est établi à Auxerre il y a une quinzaine d'années. Et le fait que Marine Le Pen soit une femme, est-ce que ça peut parler d'autant plus aux femmes ? C'est certain qu'il y a une forme d'identification à une candidate qui a su aussi parler aux femmes. En réalité, cette féminisation, elle s'inscrit dans une stratégie plus globale de conquête du pouvoir, en réalité. C'est-à-dire la volonté de sortir le Rassemblement national d'un discours purement contestataire qui caractérisait Jean-Marie Le Pen à un discours inclusif qui inclut les femmes, mais qui inclut aussi les classes populaires. Parce que quel est le message qui est envoyé aujourd'hui ? Voilà, le message de la Startup Nation, c'est créons de la richesse, favorisons les entrepreneurs parce que ça va ruisseler au profit de l'ensemble de la société. Alors qu'en réalité, on a une dégradation des services publics. C'est-à-dire, typiquement à l'hôpital, les aides-soignants, dans le contexte de l'après-Covid, ont ce sentiment de dévalorisation des métiers de service au profit de la valorisation des services, je ne sais pas, par exemple, le fait de travailler typiquement pour une start-up ou pour une licorne, pour reprendre un vocabulaire cher à Emmanuel Macron. Évidemment, ça donne le sentiment d'un mépris, en fait, pour ces métiers qui sont des métiers au plus près de l'humain. Et donc, Marine Le Pen a beau jeu de dénoncer un discours déshumanisé de la part d'Emmanuel Macron. Pour elle, dire à l'inverse, eh ben, il faut être dans la réalité, il faut être dans le concret, il faut être au plus près des préoccupations. Donc ça a été un élément probablement de sa notabilisation. Et probablement que la crise des Gilets jaunes suivie de la crise du Covid n'a fait qu'amplifier en réalité ce fossé entre un pouvoir qui regarde du côté de la mondialisation et de l'autre, Marine Le Pen, dans la contestation, qui tient un discours qui est sur le plancher des vaches, si j'ose dire. Et ça, évidemment, c'est dévastateur. parce que ça conduit à un électorat qui n'est pas forcément acquis à la cause de l'extrême droite, ça conduit cet électorat à se dire bah, en fait, la seule candidate qui m'écoute, qui écoute les préoccupations des classes populaires, c'est elle. Moi, personnellement, je me suis éloignée pas mal depuis le Covid de l'information, de toutes les mesures qui ont été prises, etc. J'ai plus envie de regarder ce qui se passait, en fait, parce que... Non, pas de nous. Non, mais sur toutes les chaînes d'info H24, en fait. Et je suis quelqu'un qui angoisse facilement. Et la politique, moi, en fait, je suis un peu écœurée, donc... Ouais. C'est compliqué. Enfin, je trouve pas. Je me sens très loin de ces personnes qui gouvernent. J'ai pas de lien. Enfin, j'ai pas de. On fait pas partie de ce monde, en fait. Comment ça? Ils sont trop décalés par rapport à nous. Enfin. J'ai pas l'impression qu'ils voient notre vie réellement, en fait. Non. Ouais, c'est ça. La galère que c'est. En fait, tout. Faut juste être courageux aujourd'hui, c'est tout, quoi. Je parle de toutes les personnes qui gouvernent, hein, enfin que ce soit les sénateurs, les députés, enfin, toutes ces personnes qui ont un logement à Paris et qu'on leur paye et qui nous demandent de baisser notre chauffage parce qu'il va y avoir d'électricité cet hiver, alors qu'eux ont un logement, voire plusieurs, et un salaire qui est deux fois, trois fois celui qu'on a. Parce que, enfin, moi, j'ai une facture de 250 euros d'EDF, voilà, en ayant mon feu et en chauffant à 19, comme ils ont dit, parce que sinon, c'est pas bien. Et je pense pas qu'ils aient ce problème-là, en fait. Non, non, je pense pas, non. Ça, enfin, j'ai mon loyer. Bon, j'ai des APL, j'ai des aides. Hein. Enfin, non, j'ai plus d'APL là parce que j'ai gagné trop bien ma vie en fait. Si tu vois, 1350 euros par mois, c'est trop bien. Donc, du coup, on supprime les APL. Non, c'est plutôt le côté moi qui m'énerve. Le côté, ils ont qu'à bosser plus ou ils auraient dû faire plus d'études. Pour gagner mieux leur vie, le grand classique de t'as qu'à traverser la rue pour trouver une autre. Oui, c'est un exemple. Celui-là. Pas besoin. Alors ici, c'est sûr que bon, voilà, là, la ruralité, c'est oui, on est en plein dedans parce que ici, tu peux traverser la rue, tu trouveras pas de travail, ou alors t'as vraiment de la chance. Tu peux toujours traverser la rue, tu vas aller voir ton voisin, mais tu vas sûr qu'il y a du travail pour toi. Ici, c'est plutôt 20 km à chaque fois que je trouve du travail. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de travail. Je dis juste qu'il faut ton permis pour y aller, minimum. Ou alors, tu es très sportif et tu prends le vélo. Alors, c'est pareil, l'écologie, c'est très drôle parce que prenez votre vélo pour vous déplacer ou les transports en commun. Eh ben oui, mais en fait, non, pas ici, quoi. Quand t'es en ville, oui. Quand t'es en milieu rural, non. C'est comme si la ruralité n'existait pas dans la tête des politiques. Ouais, je crois. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit leur premier problème, quoi. Leur problème, c'est ce qui se passe en ville. Avec la population qu'il y a, la consommation qu'il y a, certainement, qui est beaucoup plus importante que chez nous, quoi. Les mouvements anti-vax, c'est des mouvements qui, d'une certaine façon, vont être alimentés par cette espèce de défiance qui s'exprime vis-à-vis de l'État en général, et d'un État qui serait non seulement défaillant, mais qui serait menteur en quelque sorte, qui serait dans une volonté de manipuler le peuple à son profit. Cette opposition au vaccin... C'est pas une opposition à la médecine, c'est une opposition au discours politique qui est né du Covid et qui en quelque sorte a conduit à une forme de radicalisation aussi de l'opposition au pouvoir. Et donc évidemment c'est extrêmement inquiétant parce que c'est le reflet, le symptôme de phénomènes de sécession en fait. Et je dirais même de sédition, c'est-à-dire qu'on est dans une société démocratique. qu'il y a une vraie, où il y a une vraie crise de confiance dans le modèle démocratique, qui s'exprime par non seulement l'abstention, ou qui s'exprime par des votes contestataires, mais qui s'exprime aujourd'hui par des séditions. Le Covid a été là aussi, en quelque sorte, un révélateur de ces mouvements qui étaient déjà à l'œuvre, en fait, au moment des Gilets jaunes. Dans Lyon, il y a eu beaucoup de gens qui se sont organisés autour des ronds-points, et c'est un mouvement qui, en plus, a duré plus longtemps que le mouvement Gilets jaunes au niveau national. Il y en a certains, on se demande où ils vivent. C'est-à-dire ? Certains Parisiens, ils ne savent pas ce qui se passe à la campagne. Nous mettre par exemple tous à l'électrique, c'est bien joli, mais on n'a pas les moyens. Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter une voiture électrique. C'est pas possible. Je suis obligée de rouler au diesel. Ils ne voient pas les petits salaires qu'ils ne peuvent pas s'acheter. C'est pas possible. C'est irréaliste. Même avec l'aide de l'État, ils ne peuvent pas. Et vous, vous vous sentez écoutée et comprise par le Rassemblement National ? Oui. Parce qu'ils sont abordables, eux. De quelle façon ? Je sais pas, vous voyez n'importe qui du Rassemblement National, vous pouvez l'approcher, vous pouvez lui parler. Vous n'êtes pas éjecté, tiré par les cheveux, par les gardes du corps ou quoi que ce soit. Il vous écoute, il essaye de vous répondre. Il vous laisse une adresse mail pour vous dire « laissez-moi un mail et j'essaierai de répondre » ou « j'essaierai de poser la question à l'Assemblée ». Il essaye de trouver une solution. C'est des gens comme nous. Ils considèrent les gens. Ils aiment les gens. Ils sont pas juste là pour gagner du fric, en fait. Ils essayent d'aider les Français à s'en sortir et à vivre. Mais comment vous pouvez en être sûr de ça ? Parce que pour l'instant, le Rassemblement National, il n'a pas été au pouvoir, donc il n'a pas eu l'occasion de prouver que c'était juste, que c'était pas uniquement des déclarations d'intention. Non, c'est sûr, mais on est quand même pas mal à l'Assemblée. C'est les seuls qui fichent pas le bazar comme ils font les mélenchonistes, les Verts. Là, pour la réforme des retraites, tout ce qui s'est passé, c'est de leur faute. À part mettre le bazar pour éviter de faire les votes, ils ont rien fait. Jean-Vincent Olyndre. Finalement, Marine Le Pen a compris que, par exemple, qu'elle pouvait sourire. Ce qu'elle a fait lors de la récente élection, la récente campagne, ce qui a changé par rapport à ses précédentes campagnes. On voit bien que c'est quelqu'un qui a travaillé sur son attitude pour avoir une attitude en quelque sorte à la fois ferme, mais aussi un discours ouvert, un discours consistant à écouter les autres. Et ça, il me semble que c'est un élément important. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que le Rassemblement National devient en quelque sorte le porte-parole d'un certain nombre de classes populaires. Et au fond, on voit bien que face à l'inquiétude de l'avenir, face aux évolutions, à la mondialisation, à l'évolution du capitalisme, on a un discours dominant, ou un discours en tout cas des partis aujourd'hui qui dominent, enfin, qui exercent le pouvoir, le parti Renaissance, qui est de dire « saisissez l'opportunité que représente cet avenir avec le nouveau capitalisme, avec les évolutions technologiques, etc. » Sauf que ce discours qui est tenu est totalement inaudible dans cette population-là, qui justement a le sentiment de ne pas avoir les instruments, non seulement pour entrer dans ce monde, mais ne serait-ce que pour le comprendre. Donc, à partir de là, la réaction logique, c'est d'adhérer au discours d'en face, au discours qui consiste à dire oui, ce monde-là, vous avez l'impression de ne pas le comprendre, vous avez même l'impression de le détester, je porte ce discours-là, justement. Je suis le porte-parole de cette opposition à ceux qui vous disent que c'est une opportunité. Non, ce n'est pas une opportunité, c'est un risque. Voilà ce que nous dit Marine Le Pen. C'est un risque et c'est même une menace. Donc, si vous voulez, la question de l'insécurité, ça n'est que le vernis d'un problème qui est beaucoup plus profond, qui est celui d'une déconnexion entre la réalité de ce que vivent les gens et le discours qui est tenu par ceux qui exercent le pouvoir depuis 30 ou 35 ans. La sociologue Yael Anselem-Mingui est allée à la rencontre des filles du coin qui lui ont raconté leur vie quotidienne en milieu rural. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué pour les femmes en milieu rural de s'engager en politique ? Et je pense qu'il y a un effet de socialisation scolaire, hein, clairement. Elles sont pour une grande partie d'entre elles passées par soit des filières professionnelles, technologiques et dans le secondaire, mais pas dans le supérieur. Et donc elles ne vont pas se sentir finalement légitimes pour dire qu'elles ont un propos politique. Et elles vont s'attribuer par contre les propos des Gilets jaunes assez rapidement pour une partie d'entre elles, parce que c'est une forme de mobilisation dans laquelle elles connaissent des gens, elles passent à la télé, elles vont occuper des ronds-points, ça va se savoir, mais elles le font avec leurs parents, avec leurs potes, enfin, ça va être quelque chose de commun. Toutes les filles que j'ai rencontrées ne sont pas du tout dans ces mouvements-là, mais celles qui vont aller dans ces mouvements-là, elles vont aussi décrire une forme d'appartenance à une lutte contre les conditions de vie précaires, en fait, qu'elles décrivent pourtant toutes. Et sur le féminisme, pour moi, ça a été peut-être plus flagrant sur la question politique, parce que je leur ai demandé si elles se sentaient féministes. Et elles m'ont dit non, mais ça va pas, parce que le féminisme est construit quelque chose comme quelque chose de la ville, en fait. De la ville à capitale culturelle, plus, de leur point de vue, dans leur représentation. Et donc, elles vont se mettre finalement en retrait de ce mouvement-là, alors que dans le même temps, elles vont défendre le fait que les femmes doivent avoir accès au travail, que toutes les femmes doivent pouvoir travailler, doivent avoir les moyens de ne pas être dépendantes d'un conjoint, dépendantes de leurs parents. Et donc derrière, elles vont largement partager les valeurs, les idées et les points de vue politiques féministes, en fait. Mais elles ne vont pas s'attribuer cette étiquette-là, parce qu'elle est médiatiquement portée par des filles qui ne leur ressemblent pas. On a été aussi manifestés contre le pass sanitaire à Paris. Parce qu'on ne voyait pas la vie comme ça, en fait. On ne voyait pas notre vie non plus dirigée par les politiques. Et avec cette obligation, en fait, pour ma survie personnelle, pour pouvoir travailler, moi, je ne pouvais pas vivre sans être vaccinée. Je ne pouvais pas nourrir mes enfants sans être vaccinée, en fait. Et comment vous décidez de monter à Paris pour manifester ? Ça s'est décidé un petit peu à la dernière minute. Ça, c'est un peu la folie de... Oui. De Louise, de dire « Oh, ben, on y va !»« Ah bon, bah d'accord !» Voilà, on n'est pas... C'est pas compliqué, hein, chez nous, l'organisation. Il y en a une qui dit oui, l'autre oui, bon, bah ok, je suis. Et voilà. Et puis, à deux, on est plus fort, en fait. Hein, oui. Donc... Toute seule, on ne l'aurait pas fait, je pense. Non, carrément pas. Et puis... Bah parce qu'il y a le côté ville, moi. Et ça m'a fait du bien. Oui, moi aussi. En ville, toute seule. C'est ça. Avec c'est ça, beaucoup comme de tu monde. Dis à deux, on sent... Et puis les images qu'on voit à la télé des manifestations où ils se font gazer, où il y a de la violence. Et je pense que. D'ailleurs, on est passé à ça. Je pense que. À une demi-heure plus. Toute seule, on ne l'aurait pas fait, quoi. Donc, vous vous dites, on va. Oui. Monter à Paris. Oui. Tout simplement. Comme si on montait à une échelle. Oui. Oui, voilà, parce que c'est dur d'aller là-bas. Oui, voilà, c'est ça, c'est une ascension, oui. Pourquoi ? Le monde, on s'y attendait, hein, oui. Forcément, dans une manif. Non, c'est voilà. Plutôt le côté circulation, mais... organisation oui. De, comme je disais oui. Tout à l'heure, il faut se garer, il faut payer, il faut avoir envie de le faire. Voilà, c'est tout. Et alors ? Et là, on avait vraiment envie de le faire. Mais bon, moi, on peut dire qu'on y a été. C'était voilà. Un bon moment. Ouais. Ouais, franchement. On s'est défoulé, on a gueulé, ça nous a fait du bien. Donc, ouais, je pense que ça libère, ouais. Au moins, on se dit qu'on fait quelque chose, quoi. Moi, j'ai eu tendance à suivre plus les politiques qui s'opposaient. Maintenant, j'en suis plus aucun, en fait. Parce que je me rends compte aussi que il y a pas de parti qui me corresponde, quoi. Je trouve pas d'aide dans aucun parti, en fait. Mmh. D'espoir de ce que je voudrais pour mes enfants plus tard, je le trouve pas, quoi. J'ai l'impression qu'il faut se battre pour tout dans notre vie aujourd'hui. C'est de la survie. Moi, personnellement, c'est pour mes enfants, quoi. Sinon, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, quoi. Donc, politiquement parlant, là, j'irai me déplacer aux prochaines élections parce qu'il faut faire un choix et que... Et qu'on a encore ce droit. Et que, au moins, quand on... Moi, j'avais rencontré quelqu'un dans la rue qui m'avait dit « Oui, mais on a voté pour Macron, il faut assumer. » Ben non, j'assume pas, parce que j'ai pas voté pour lui, en fait. Donc, j'ai pas assumé ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Parce que c'est pas mon choix. Et ça, au moins, je peux le dire en allant voter, quoi. C'est ça, en fait, on vote pas par, vraiment par conviction. On vote pas par vraiment. Dépit. On vote par opposition. Ouais. Voilà. Si on peut en trouver un peu moins pire. Ouais. On prend. Puis je comprends plus, là, depuis qu'ils partagent les partis, je sais plus qui fait quoi, qui va où, qui veut quoi, Et j'ai emmené mes enfants parce que je voulais qu'ils voient ce que c'est que d'aller voter, quoi, parce que c'est... Faut le faire, quoi. Et je voudrais que tout le monde se mobilise pour aller voter, peut-être que ça changerait les choses. Jean-Vincent Olindre. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir qui va tirer profit de ce mouvement d'opposition à cette réforme des retraites. Je pense que le Rassemblement national est vraiment, n'a jamais été dans une aussi bonne situation. L'opposition à la réforme, c'est une opposition à la politique d'Emmanuel Macron, c'est une opposition à la manière, à la méthode qui a été employée par Emmanuel Macron pour mettre en œuvre cette réforme. Donc ça donne le sentiment d'un gouvernement qui n'a pas été professionnel, qui n'a pas bien fait son travail. Sans compter que Emmanuel Macron tient un discours consistant à dire « c'est vital pour les finances publiques », alors que quelques mois avant, il défendait le discours du « quoi qu'il en coûte ». C'est inaudible. Il y a une forme d'incohérence, en fait, qui est perçue par la population. Mais cette incohérence, je ne suis pas complètement persuadé qu'elle profitera à la gauche, sans doute en partie, mais elle profitera au moins autant au Rassemblement national, compte tenu des évolutions électorales et de cette droitisation qui est quand même aujourd'hui attestée par les enquêtes d'opinion. Quand vous parlez, on dirait que vous êtes sereine, paisible, apaisée. Mais j'ai pas le choix, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas faire un hold-up, je vais pas tuer quelqu'un, je vais pas... J'ai trop peur d'aller en prison. Alors à la place, vous militez pour le RN. Ouais, c'est plus prudent. Et ça vient donner du sens à tout ça? Oui. Peut-être, je me dis, si un jour on arrive à être à la présidence, on arrivera peut-être à changer beaucoup de choses. J'espère. Vous avez déjà pensé voter pour le Rassemblement National, Marine Le Pen, ou jamais d'ailleurs? Certainement pas. Non. Non, ça c'est pas... Non, ça c'est... Non, là non. Et autour de vous? C'est impensable. Je pense que dans la ruralité... Oui, on en connaît certainement. Mais dernières élections, pas celles de cette année, celles d'il y a 4 ans. Donc mes premières élections présidentielles ici, je suis allée voir au tableau et c'était Marine Le Pen qui était passée. Voilà. Du coup, ça refroidit. On se dit bah il y a pourquoi en fait. Je pense que c'est la peur de la télé parce que ici les personnes âgées elles sont devant leur télé, elles se disent ah ça fait peur ce qui se passe à Paris. Parce que en fait je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues aussi politiquement et qui ne savent pas. Qui ne savent pas quoi faire pour changer les choses. Tiens, bois un coup, ma peau. Gros déclic, en fait, la quarantaine. Donc, tu fais le bilan. Voilà, c'est... Ouais, un gros bilan, ouais. Mince, j'arrive à la moitié de ma vie, à peu près, et qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour moi? Ouais, je crois que ça cogite beaucoup en ce moment dans ma tête et ouais, besoin de changement en fait et de s'épanouir en fait, parce que quand t'as fait toute ta vie des métiers voilà, qui ne te correspondent pas forcément, bah ouais, t'as envie d'avoir un métier qui te plaise et de vivre un petit peu de ta passion. Justement, c'est pour ça que tu t'apprends en vieillissant aussi, quoi. Tu découvres qui tu es, ce que tu aimes faire. Est-ce que tu as envie de faire? Ouais. Est-ce que tu es prêt à faire pour faire ce que tu as envie? Ça, surtout quand tu as des enfants, c'est un gros pas, quoi. Parce que tu te dis, merde, si je me plante, bah, je les plante eux aussi, quoi. On n'est pas prêts de nous séparer. D'ailleurs, un vieux couple. Ouais. On a dit qu'on signait pour la maison de retraite avec une chambre l'une à côté de l'autre. Ça, on va bien les faire. On descendra les bouteilles d'eau de Cologne. On ira voir les petits vieux à côté. Hey. Bonjour. Ouais, parce que nos conjoints, ils seront décidés. Bah ouais. C'est des mecs, les hommes, ils meurent plus jeunes. Non, mais ça, c'est normal. Voilà. Avec Thelma et Louise, Elodie, Clara Deville, Yael Anselem Mingui et Jean-Vincent Olindre. Un grand merci à Aurore Perrault et Kathleen, Baptiste Sanson, Pauline Schill et Gabrielle Amieux, Brigitte Costaz. Prise de son Yann Frécy et Geoffrey Marianne. Mixage Sébastien Royer. Documentation Anne-Lise Signoret. Attaché d'émission Marivonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination Perrine Kervran. Le complexe rural, 3e épisode, quand les mères de famille battent la campagne. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Gaëlle Gillon.